souvent j'aimerais m'en aller. Ils savent le quart de ma vie mais ne font que parler. J'ai fumé, j'ai plané un peu pour pas parler. J'ai pleuré, séché mes larmes, plus tard je me suis marré. Je sais ce qu'on dit sur moi, je frissonne. Je vois un poteau qu'on dit, il déguste, il zone. Pendant des années j'ai attendu ma cendrillon. Elle est mignonne, sans maquillage, sans crayon. T'es brave avec moi, de bon cœur j'te défonce. J'ai toujours donné ce que j'avais, même quand j'avais rien dans les poches. Si t'écouterais le temps, j'ai fait des sous, j'me la pète. Ça va pas en ce moment, même si je fais pas la tête. Il est temps que je vous dise au revoir les amis. J'suis content, j'fais des tops avec moi, des manies. De rester moi-même, même si dure est la vie que je mène. Je t'en veux pas, l'erreur est humaine. Mais prends pas la confiance quand même. Moi j'essaie de rester moi-même. Même si dure est la vie que je mène. Je t'en veux pas, l'erreur est humaine. Mais prends pas la confiance quand même. Je suis dans la Clio, j'écris mon texte sur le quartier. L'odeur de la beuh mélangée au parfum quartier. Je suis dans la Clio, j'écris mon texte dans le quartier. L'odeur de la beuh mélangée au parfum quartier. J'ai deux bras, deux jambes, je m'en suis sorti seul avec l'aide de poteau au ciel. Je pense à toi quand je chante. La vie c'est bizarre, le prénom c'est pas sur le sable. Je pense à tout, je sers, me dit que c'est Dieu qui veut ça. Et tous les jours je gamberge. Quand tu sais pas où dormir, qui t'héberge. Et arrête de me faire chier. J'suis même bête sous l'étoile du berger. Je sais qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. Je sais qu'il y a des vrais, qu'il y a des faux. Sache que c'est tout tes combats. Qu'on fait ressortir mes défauts. Sors une lock un peu comme on aille se faire une course. J'traîne avec des gars qui pourraient te faire rire un ours. Moi j'essaie de rester moi-même. Même si dure est la vie que je mène. J't'en veux pas, l'erreur est humaine. Mais prends pas la confiance quand même. Moi j'essaie de rester moi-même. Même si dure est la vie que je mène. J'en veux pas, l'erreur est humaine. Mais prends pas la confiance quand même. J'suis dans la Clio, j'écris mon texte sur le quartier. L'odeur de la beuh mélangée au parfum quartier. J'suis dans la Clio, j'écris mon texte sur le quartier. L'odeur de la beuh mélangée au parfum quartier. Moi j'essaie de rester moi-même. Même si dure est la vie que je mène. J't'en veux pas, l'erreur est humaine. Mais prends pas la confiance quand même. J'suis dans la Clio, j'écris mon texte sur le quartier. L'odeur de la beuh mélangée au parfum quartier. J'suis dans la Clio, j'écris mon texte sur le quartier. L'odeur de la beuh mélangée au parfum quartier.